vertus, à retrouver nos vertus. La clé du bonheur se trouve dans le rire. La vie, quel malheur, on finit tous par mourir. Mais là, c'est pas l'heure, donc garde le sourire. Ne tire pas la gueule, tes plaies vont se rouvrir. Tant de stress, merde, on passe notre temps à courir. Trop de pression, mec, qui pourra nous secourir. Je ne fais que discourir, ce que je dis est pourri. Je sais bien, I'm sorry, si je le dis, c'est pourri. J'ai besoin de l'écrire, je ne veux pas partir. L'air triste, mon cadavre risque d'en pâtir. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai qu'une chose à dire. Petit, il est temps de rire. Il est temps de rire. C'est vrai que la vie parfois peut être dure, ouais. Cette impression d'aller droit dans le